Lettre 263 de Thérèse à l'abbé Bélière, 10 août 1897. J.M.J.T., Carmel de Lisieux. Jésus. Mon cher petit frère, je suis maintenant toute prête à partir, j'ai reçu mon passeport pour le ciel, et c'est mon père chéri qui m'a obtenu cette grâce. Le 29, il m'a donné la garantie que j'irai bientôt le rejoindre. Le lendemain, le médecin étonné des progrès que la maladie avait faits en 2 jours, dit à notre bonne mère qu'il était temps de combler mes désirs en me faisant recevoir l'extrême onction. J'ai donc eu ce bonheur le 30, et aussi celui de voir quitter pour moi le tabernacle, Jésus hostie que j'ai reçu comme viatique de mon long voyage. Ce pain du ciel m'a fortifié, voyez, mon pèlerinage semble ne pouvoir s'achever. Bien loin de m'en plaindre, je me réjouis que le bon Dieu me permette de souffrir encore pour son amour. À qui il est doux de s'abandonner entre ses bras, sans crainte ni désir. Je vous avoue, mon petit frère, que nous ne comprenons pas le ciel de la même manière. Il vous semble que participant à la justice, à la sainteté de Dieu, je ne pourrai comme sur la terre excuser vos fautes. Oubliez-vous donc que je participerai aussi à la miséricorde infinie du Seigneur? Je crois que les bienheureux ont une grande compassion pour nos misères. Ils se souviennent qu'étant comme nous fragiles et mortels, ils ont commis les mêmes fautes, soutenu les mêmes combats, et leur tendresse fraternelle devient plus grande encore qu'elle ne l'était sur la terre. C'est pour cela qu'ils ne cessent de nous protéger et de prier pour nous. Maintenant, mon cher petit frère, il faut que je vous parle de l'héritage que vous recueillerez après ma mort. Voici la part que notre mère vous donnera. Premièrement, le reliquaire que j'ai reçu le jour de ma prise d'habit et qui depuis ne m'a jamais quitté. Deuxièmement, un petit crucifix qui m'est incomparablement plus cher que le grand, car ce n'est plus le premier qui m'avait été donné que j'ai maintenant. Au Carmel, on change quelquefois les objets de piété, c'est un bon moyen pour empêcher que l'on s'y attache. Je reviens au petit crucifix. Il n'est pas beau. La figure du Christ a presque disparu, vous n'en serez pas surpris, quand vous saurez que depuis l'âge de 13 ans ce souvenir d'une de mes sœurs m'a suivi partout. C'est surtout pendant mon voyage en Italie que ce crucifix m'est devenu précieux. Je l'ai fait toucher à toutes les reliques insignieuses que j'avais le bonheur de vénérer. Dire le nombre me serait impossible, de plus il a été béni par le Saint-Père. Depuis que je suis malade, je tiens presque toujours dans mes mains notre cher petit crucifix. En le regardant, je pense, avec joie, qu'après avoir reçu mes baisers, il ira réclamer ceux de mon petit frère. Voici donc en quoi consiste votre héritage. De plus, notre mère vous donnera la dernière image que j'ai peinte. Je vais finir, mon cher petit frère, par où j'aurais dû commencer en vous remerciant du grand plaisir que vous m'avez fait en m'envoyant votre photographie. Adieu, cher petit frère, qu'il nous fasse la grâce de l'aimer et de lui sauver des âmes. C'est le vœu que forme votre indigne petite sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. C'est par choix que je suis devenue votre sœur. Je vous félicite de votre nouvelle dignité, le 25. Jour où je fête mon cher petit père, j'aurai le bonheur de fêter aussi mon frère Louis de France. Marc Emdan, archive.org. D'après archive carmeldelisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.